إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant la cinquième partie de notre séminaire et on continue toujours donc dans l'explication des points que le Cheikh Sulaiman Al-Ruhayli Hafizahullah Ta'ala a clarifié dans son livre Al-Usul Al-Sunniyah. Donc on est rendu maintenant à la page 95 et le point numéro 9 qu'il a mentionné à propos des caractéristiques des Khawarij, hirsuhum ala darbi muqaddarat al-umma, c'est-à-dire leurs efforts pour frapper les richesses et les choses importantes des musulmans. Donc le cheikh il dit وَمِنْ خَطَرِهِمْ أَنَّهُمْ يَحْرِسُونَ عَلَى دَرْبِ مُقَدَّرَاتِ الْأُمَّةِ وَلَوْ بِاسْتِجْلَابِ الْعَدُوِ وَلَوْ بِاسْتِجْلَابِ الْكُفَّارِ إِلَى دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ قِيَامِهِمْ بِالتَّفْجِيرَاتِ وَاسْتِهْدَافِ المقيمين من بعض الدول أنهم يريدون أن تأتي تلك الدول إلى بلداننا لتستولي على هذه الدول وعلى مقدراتها من النفط وغيره وهم حريصون على إضعاف دول المسلمين وإذهاب خيرها وضرب مقدراتها. Donc le cheikh il explique qu'ils ont ils font beaucoup d'efforts pour frapper les richesse des musulmans, même si c'est quelque chose qui risque de faire venir les ennemis et de faire en sorte que les koufars viennent prendre le dessus dans les pays musulmans. Donc ils font ça soit directement ou indirectement. Et c'est ça que le frère, il y a un frère qui posait la question hier, pourquoi ces khawarij, ils font des attentats dans les pays non musulmans par exemple. Même dans les pays musulmans, là où il y a des non-musulmans. Et une des raisons ou une des causes qui est mentionnée par rapport au fait qu'ils fassent de ce genre d'attentats et ce genre d'explosions, par exemple, c'est parce qu'ils veulent justement faire en sorte que les pays occidentaux viennent prendre le contrôle des pays musulmans et prennent le contrôle des richesses des pays musulmans. Et ils font tout pour affaiblir les pays musulmans et faire en sorte que les musulmans perdent tous les biens qu'ils possèdent. وَقَصْدِ أَنَّنَا إِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْفِئَاتِ الْمُتَطَرِّفَةِ الْمُنْحَرِفَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَنْظُرْ إِلَى كَلَامِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُزَيِّنُونَ بَاطِلَهُمْ بِالْكَلَامِ وَيُحَسِّنُونَهَا بِالْعِبَارَاتِ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهم أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل. Donc il dit mon intention ici lorsqu'on regarde ces groupes parmi les groupes des Khawarij, ces groupes extrémistes et déviés, il faut pas regarder leurs paroles. Il dit parce que ces gens-là ils sont des maîtres dans l'art d'embellir le faux par leurs paroles et d'essayer d'utiliser des expressions pour enjoliver leur fausseté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a justement informé à leur sujet que ce sont des gens qui parlent bien mais qui agissent mal. فإذا أردنا أن ننظر إلى دعاة الفتنة وإلى أصحاب الفكر المتطرف وإلى الخوارج لا ينبغي أن ننظر إلى أقوالهم العامة فإنهم يحسنون القول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بذلك لكنهم يسيئون الفعل وكذلك لا ينبغي أن ننظر إلى أفعالهم الخاصة من عبادة ونحوها فإن المعلوم أن الخوارج ومن سار على طريقتهم يعجبون الناس من جهة أفعالهم الخاصة لأنهم يظهرون العبادة فيكثرون من الصلاة والصيام والذكر وقيام الليل ومن قراءة القرآن ولكن هذه الأعمال لا تؤثر في قلوبهم ولذلك أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مع كل هذا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلا ننظر في وزنهم إلى أفعال يعني إلى أفعالهم فلا ننظر في وزنهم إلى أفعالهم الخاصة بل ننظر إلى دعوتهم العامة وأفعالهم العامة ونزنها بميزان السنة والفطرة. Donc il dit le cheikh que si on veut regarder ces gens-là qui appellent à la fitna, hein, et qui font les choses qu'ils font avec les idéologies extrémistes qu'ils ont, et lorsqu'on regarde les khawarij, il ne faut pas regarder hein, leurs paroles en général, parce que c'est des gens qui parlent bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et ils agissent mal de façon générale. Et de même qu'on ne doit pas aussi regarder leurs actes particuliers, leurs actes personnels. Pourquoi ? Parce que ils peuvent être des gens qui font beaucoup d'adoration et qui font beaucoup de bien. En apparence. Donc c'est des gens qui sont extrémistes même parfois dans l'adoration. Ils font beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de dhikr. Ils prient la nuit, ils récitent le Coran. Hein? Sauf que ces actions-là n'ont aucun effet sur leur cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'ils vont sortir malgré tout ce qu'ils font comme adoration, ils vont sortir de la religion comme la flèche qui frappe sa cible et qui passe à travers. Hein? Et yani, il ne faut donc pas regarder leurs actions en particulier, leurs actions personnelles, et il faut plutôt regarder leur da'wa en général et leurs actions en général et les mettre dans la balance de la sunna et de la fitra pour analyser et pour voir si ces actions-là sont en accord avec le Coran et la sunna ou non. Et donc le cheikh dit, فهؤلاء الدواعش إذا أردنا أن نحكم عليهم بالحكم الشرعي الصحيح فإنا ننظر إلى أفعالهم العامة الصادرة إلى عموم الناس فإنا نرى أن إخواننا في العراق مثلا أشر ما وقع عليهم إنما هو من هؤلاء الخوارج حتى إن بعض الإخوة يتصلون بي ويسألون يقولون يا شيخ الآن لا نسلم من شر الخوارج إلا إذا حلقنا لحانا لأنهم إذا مروا في الشارع ووجدوا رجلا عليه سمة السنة وعليه وليس عليه هيئتهم قد يقتلونه وقد يختطفونه وكم غيبوا من إخواننا ولا نستطيع أن نتقبل من مناطقنا التي يسيطرون عليها لنصل إلى مناطق أخرى إلا إذا حلقنا لحانا. الله المستعان. Donc le cheikh il dit, quand on regarde ces gens de Daesh par exemple, ces khawarij, si on veut juger vis-à-vis d'eux selon le jugement de la sharia authentique, on regarde leurs actions en général. Qu'est-ce qu'ils font de façon générale et qui apparaît chez les gens, et on voit que des musulmans en Irak, hein, nos frères en Irak par exemple, ils ont dit le plus grand mal qui nous a touché en Irak est venu de la part de ces gens-là, de ces khawarij. Hein, il dit que c'est arrivé à un point tel que il y a des frères qui nous appellent, le cheikh il dit, il y a des gens de l'Irak qui nous appellent, des musulmans sur la sunna, ils nous appellent et ils nous demandent, est-ce qu'on a le droit, cheikh, de raser notre barbe Parce qu'il dit à cause de ces khawarij, on n'est pas exempté du mal de ces gens-là. C'est que si on marche dans la rue, puis qu'ils trouvent quelqu'un qui a les apparences de quelqu'un qui est sur la sunna, mais qui ne s'habille pas comme eux, ou qui n'a pas leur apparence dans la façon de s'habiller, hein, ils ne suivent pas leur mode, la mode des khawarij, vous avez vu comment Daesh ils s'habillent, ils ont leurs propres habits, leurs propres uniformes, leurs propres façon de mettre les cheveux et tout. Donc si toi tu es sur la sunna mais que tu t'habilles pas comme eux, puis que t'es pas comme eux, peut-être qu'ils te tuent. Peut-être qu'ils vont t'enlever. Il dit combien d'entre nos frères, ils les ont fait disparaître. Hein? Et ils disent on n'est pas capable de circuler d'un endroit à un autre, excepté si on se rase la barbe. Parce que les gens qui sont pas sur la sunna, ou bien les gens qui se rasent, ils s'en occupent pas d'eux. Hein? Ils les laissent. Mais s'ils te voient avec la barbe, c'est là qu'ils veulent te faire des problèmes. Parce qu'ils voient que tu n'es pas avec eux. Allah al-Musta'an. Alors que, on voit que c'est vraiment une situation vraiment difficile. Donc, le cheikh, il dit, vous voyez le mal qui arrive de ces gens-là. Il dit, وَكَذَلِكَ نَنْظُرُ إِلَى مُعَامَلَاتِهِمْ لِإِخْوَانِنَا فِي سُرْيَا وَمَاذَا يَجِدُونَ مِنْهُمْ وَإِلَى مُعَامَلَاتِهِمْ لِإِخْوَانِنَا فِي لِيبِيَا وَمَاذَا يَجِدُونَ مِنْهُمْ ونعرض أعمالهم العامة هذه على السنة وكذلك دعاة الفتنة نعرض دعوتهم العامة على السنة وعلى الفطرة وهذا هو الميزان الصحيح الذي ينبغي أن نعرف به حال أولئك الناس. Donc il dit on regarde aussi comment ils agissent avec nos frères en Syrie et en Libye et on voit la même chose. Ils tuent les musulmans d'Ahlus Sunnah. Et s'ils trouvent quelqu'un qui est sur la Sunna, un salafi, qui met en garde contre eux, leur voix, ils le tuent. Hein? Ils ont tué des tullab ilm, des shuyukh, des imams en Libye et ailleurs, parce qu'ils appelaient à la Sunna. Ils mettaient en garde contre eux la voix des khawarij et des choses comme ça. Donc, ils n'ont pas de limite. Ils disent waqafat yassirat ma'a marhalat al-takfir allati من أخطر مراحل الإفساد. Maintenant, le Cheikh il passe à l'étape du takfir chez les Khawarij, chez ces gens-là. Il dit ومن أخطر مراحل الإفساد مرحلة التكفير. Il dit parmi les étapes les plus dangereuses de désordre qu'ils sèment, c'est l'étape du takfir, la période ou l'étape de déclarer mécréants les musulmans, les dirigeants, les ulama et les musulmans en général. لأنها مرحلة يترتب عليها استحلال الدم. يعني parce que c'est une étape qui a comme conséquence de rendre halal par la suite le sang des musulmans et de se permettre de les tuer. ومن المعلوم أنه إذا وصل الإنسان إلى تكفير غيره فإنه لا يبقى حاجز يمنعه من الاعتداء عليه بعد هذا. بل يصبح الأمر عنده أن الاعتداء يصير قربة إلى الله عز وجل. Il dit que on sait très bien que lorsque quelqu'un arrive à l'étape où il déclare les autres mécréants, il ne reste pas rien par la suite qui l'empêche de transgresser, hein, par la suite et de faire du tort aux autres. Et il va même arriver au point où يعني, il considère que de transgresser contre les gens, c'est un rapprochement, un moyen de se rapprocher à Allah, une adoration. Allah al-Musta'an. وللأسف أن جماعات من المسلمين يقعون في منهج التكفير ثم قد يبقى في قلب بعضهم شيء من الورع فيكفر في قلبه ولكن يخاف شرعا من أن يقول ما يعتقد وبعضهم يكفر ويتهور ويصم المسلمين بهذا التكفير ويستحل أموالهم وأعراضهم بهذا التكفير ولذلك نحب أن نقف وقفات يسيرات مع هذه المرحلة مرحلة التكفير. Le Cheikh il dit qu'il y en a certains par exemple qui tombent parmi les différents groupes de bid'a, parmi les musulmans, il y en a qui tombent dans cette voie de takfir. Et peut-être que dans le cœur de certains d'entre eux, il reste encore un peu de piété qui les empêche, hein, de faire le takfir avec ouvertement. Mais il fait le takfir dans son cœur. il considère kuffar les musulmans dans son cœur, mais il craint d'exprimer ouvertement ce qu'il croit. Et d'autres, non. Ils le disent ouvertement, puis ils déclarent kuffar les musulmans et ils rendent leur sang et leurs biens halal en se basant sur ce takfir. Donc, le cheikh dit, on va prendre quelques points pour s'arrêter sur cette étape, qui est l'étape du takfir. Premièrement, ta'rifu takfir. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie, le takfir? التكفير مأخوذ في اللغة من الكفر والكفر هو الستر والتغطية. Donc linguistiquement, dans la langue arabe, le mot takfir vient de al-kafr. Et al-kafr en arabe, ça veut dire as-satr wa at-taghtiya. Donc al-kafr, ça veut dire couvrir quelque chose ou recouvrir quelque chose. Ça, c'est dans le sens linguistique. Et dans le sens religieux, أما التكفير في المصطلح فالمقصود به الحكم على الناس بالكفر ومنه الحكم بإخراج من دخل الإسلام منه يعني التكفير بالمعنى العام وهو الحكم على الناس بالكفر ومنه الحكم على من دخل الإسلام بالخروج منه. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le takfir dans le sens religieux, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le verdict qu'on fait sur les gens en les déclarant d'être dans le kufr, d'être dans la mécréance, et de juger que celui qui était dans l'islam en est sorti. C'est-à-dire, le takfir dans le sens général, c'est de juger que les gens sont mécréants ou dans la mécréance, et de juger que celui qui est entré dans l'islam est sorti de l'islam. ولا شك أن التكفير وما كان منه على الأصول الشرعية ومن أهله هو حق ودين وما خالفها فهو باطل. Le cheikh il met un point important. Il dit, par contre, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de doute que le takfir qui est fait selon les fondements de la charia et qui est déclaré ou prononcé par les hommes de science, ça c'est un takfir véridique. Et c'est un takfir qui fait partie de la religion. Parce que les savants de l'islam, quand ils font le takfir avec preuve, et ils font takfir selon les fondements de la religion, et ils ont la connaissance nécessaire pour savoir quand il est permis de l'appliquer. Et quand il faut l'appliquer ou non. Tandis que ce qui est en contradiction avec cela, ça c'est faux. Si le takfir il n'est pas fait selon les fondements de la charia et qu'il n'est pas fait par les gens qui ont le savoir et la science de la charia, dans ce cas-là il est faux, le takfir. Il dit وأكثر الواقع منه اليوم إنما هو من الباطل ومن الاعتداء والبغي والظلم. Il dit la plupart du takfir qui se produit à notre époque, c'est la plupart du temps de la catégorie du takfir qui est faux et qui fait partie de la transgression et de l'injustice. ويجب أن يعلم المسلم أن التكفير من الخطورة بمكان عظيم. Le musulman il doit savoir obligatoirement que le takfir c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. ولخطورته على الإنسان نفسه لتعظيم ما يترتب عليه. Et c'est un danger pas seulement pour les autres, mais un danger pour lui-même s'il fait le takfir à cause des grandes conséquences qui en découlent. فإن أهل السنة والجماعة متفقون على أن التكفير إنما هو لأهله. Les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils sont tous d'accord que le takfir c'est uniquement les hommes de science parmi les gens de la Sunna qui ont le droit de le faire. لأهل العلم والبصيرة العارفين بضوابطه وأن له شروطا وموانع يجب العلم بها. Il dit que il faut que ce soit les hommes de science, de compréhension, qui connaissent les principes du takfir, qui puissent le faire et qui savent que ce takfir est régi par des conditions et par des empêchements. Il y a des empêchements qui sont présents parfois chez certains qui font en sorte qu'on ne peut pas le déclarer kafir. Donc il faut connaître les conditions, il faut connaître les empêchements aussi. Il dit, c'est pour ça que il dit لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكفر حكم شرعي شرعي متلقا عن صاحب الشريعة. Ibn Taymiyyah, il dit que le kufr, c'est un jugement de la sharia, un jugement shari, un jugement légal, islamique, qui est pris de celui qui connaît la sharia. Ou bien, plutôt, sahib al-sharia, ça peut vouloir dire également celui qui a révélé la sharia, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Parce que c'est Allah qui déclare kafir ce qu'il veut et son messager. Et le savant, il fait que mettre en application le jugement d'Allah et de son messager sur cette personne. يعني ليس من الأحكام العقلية وليس مما يعرف بالنظر وإنما هو ملتقى من الشريعة. Il dit, ça fait pas partie, ça veut dire que ça ne fait pas partie des règles qui sont déduites de façon rationnelle, et ça ne fait pas partie des choses qui sont déduites par l'observation ou par la réflexion, mais c'est quelque chose qui est tiré directement de la sharia. Et ils disent, ولذلك يقول شيخ الإسلام الكفر حكم شرعي ملتقا عن صاحب الشريعة والعقل قد يعلم به صواب القول وخطأه وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرا في الشرع كما أنه ليس كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشرع معرفته. Donc il dit, comme on a mentionné, que le kufr, c'est un jugement de la sharia qui vient de celui qui l'a révélé. Et la raison peut le connaître, peut connaître ce qui est correct et ce qui est incorrect, ou ce qui est erroné. Mais ce n'est pas tout ce que la raison considère comme étant erroné qui est kufr. C'est-à-dire dans la charia, c'est pas tout ce que la raison considère comme étant erroné qui est kufr. Tout comme ce n'est pas tout ce qui est considéré par la raison comme étant correct qui est nécessairement obligatoire d'être connu selon la charia. Il dit wa li khuturati at-takfir hadhara Allah azza wa jalla min suluki tariqihi wal khawd fihi min ghayri ahlihi. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال العلماء في هذا نهي عن أن يقول الإنسان لمن أظهر له الإسلام بإلقاء السلام لست مؤمنا وأنه لا يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الأمر. Donc à cause du danger du takfir, Allah subhanahu wa ta'ala a averti contre cette voie et d'essayer de patauger dans cette question si on ne fait pas partie des gens de science. Et Allah, il mentionne dans le verset 94 dans sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah, alors vérifiez. Et ne dites pas à celui qui vous donne le salam, tu n'es pas croyant en cherchant des biens de la dunya. Car auprès d'Allah, il y a beaucoup de biens. Et c'est ainsi que vous étiez auparavant et Allah vous a fait de sa faveur. Alors, vérifiez. Et les ulama ont dit à propos de ce verset-là que c'est une interdiction que le musulman dise à celui qui montre qu'il est dans l'islam et qu'il dit assalam. C'est interdit de dire tu n'es pas croyant. Hein? Et ce n'est pas permis non plus à une personne de patauger dans cette question. Le verset, c'est 94 dans Sourate An-Nisa. Le cheikh, il mentionne maintenant des causes qui ont fait que des gens soient tombés dans l'extrémisme du takfir. Et parmi les causes, il dit « Min asbab il ghulu ifit takfir al jahlu » بالنصوص الشرعية أو بدلالتها Les causes, parmi les causes qui ont fait que des gens ont exagéré et sont tombés dans l'extrémisme, dans le takfir, c'est l'ignorance des textes de la révélation et ce que ces textes-là hein, ont comme, comme indication ou comme signification. Il dit voilà, chaque an al ghulu fi hadha al bab waqa'a fi al umma. Il n'y a pas de doute que ce genre d'extrémisme est apparu dans la umma. وأن لهذا الغلو أسبابا أوقعت جماعات من الأمة في الغلو وفي التكفير. Il y a des causes qui ont amené certains groupes de la Ummah à tomber dans cet extrémisme-là, dans le takfir. ومن أعظم هذه الأسباب الجهل بالنصوص الشرعية أو الجهل بدلالاتها. Parmi les plus grandes causes de cet extrémisme, l'ignorance des textes de la révélation ou l'ignorance de ce que ces textes ont comme preuve, qu'est-ce qu'ils indiquent ces preuves, qu'est-ce qu'ils prouvent et à quoi ils font référence. Donc il dit فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَصْحَابِ التَّكْفِيرِ لَا تَجِدُ عِنْدَهُمْ مَعْرِفَةً بِالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَدْ جَلَسْنَا مَعَ بَعْضِ التَّكْفِيرِينَ فِي الْمُنَاصَحَةِ فَذَكَرْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً وَبَعْضُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَبَعْضُهَا فِي السُّنَنِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ فقال لنا احدهم والله ما كنت اعرف هذه النصوص. Il dit que beaucoup d'entre ces jeunes, dans ces, parmi les gens de takfir, tu vois qu'ils n'ont aucune connaissance des textes, hein, de la sunna et des textes de la révélation. Et on s'est assis avec certains d'entre ces jeunes parmi les takfiriens et yani on a mentionné à ces gens-là parmi les khawarij des hadiths authentiques. Certains de ces hadiths sont dans Sahih al-Bukhari, certains de ces hadiths sont dans Sahih Muslim, et dans les deux, avec des chaînes de transmission dans les Sunan qui sont authentiques, et on a un d'entre eux nous a dit, par Allah, je jure que j'ai jamais connu ces textes-là. J'ai jamais connu ces textes-là. وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لَنَا لَا تَسْمَعُوا لِهَاوْلَا هُمْ عُلَمَاءُ السَّلَاطِينَ فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ الْأَحَادِيثِ min ajli al-hukam. Il dit que ces gens-là nous disaient, n'écoutez pas, hein, ces savants-là. Ils disaient, ce sont yani, des savants à la solde des dirigeants, et ils inventent des hadiths, hein, pour les dirigeants, pour faire plaisir aux dirigeants. A'udhu billah. Wa adhkuru lakum latifa, kuntu musta'jiran fi imara, sahib al-imara yaskunu fiha. فجاءني مرة وقال يا شيخ هل صحيح أن المباحث تكتب لكم الخطى؟ فضحكت وقلت له أنت تسمع خطبي؟ فما رأيك في الخطب؟ قال ما شاء الله خطب طيبة. فقلت والله إذا كانت المباحث تكتب هذه الخطب فنحن بخير. الشيخ il mentionne une petite anecdote. Il dit j'étais locataire dans un immeuble. Et le propriétaire habitait dans cet immeuble. Et une fois, il est venu me voir, il m'a dit, Cheikh, est-ce que c'est vrai que les agents de service de renseignement, c'est eux qui écrivent pour vous les discours de sermon de vendredi? C'est eux qui écrivent pour vous les sermons de prière de vendredi? Et le Cheikh, il dit, j'ai ri quand il a dit ça. Et j'ai dit, est-ce que tu as entendu mes khutabs? Parce que le cheikh, il fait des khutabs dans une mosquée à Médine. Il dit, as-tu entendu mes discours, mes sermons? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que tu penses de... C'est quoi ton opinion de ces khutabs? Il a dit, mashallah, c'est des bonnes khutbas. Il a dit, je jure par Allah que si les agents de renseignement écrivent des khutbas comme ça, on est correct, hein? On est dans le bien alors. Alhamdulillah. Il dit فانظر سبحان الله ما وجدوا لينفروا من الخطبة إلا أن يقولوا لهم إن المباحث تكتب لهم الخطب. يعني quoi, c'est ces agents des renseignements, c'est des savants de l'islam quoi, hein? Allah al-musta'an. Le cheikh dit, regardez, subhanallah, ils n'ont pas trouvé de moyen de faire fuir les gens d'écouter les khutab, hein, que de dire que c'est des agents du gouvernement qui les écrivent. Hein? Subhanallah. Et ça, il dit, « Adal al-tanfir min al-haq ». C'est pour faire fuir les gens de la vérité. Et il dit, « Wa shahidu anna hadha al-akh yaqul, hadihi al-nusus allati dhakartumuha lana, wallahi ma kunna na'rifuha. » Juste en passant comme ça, ça me fait rire parce que ça c'est arrivé une fois, j'étais chez Métro, au marché Métro, je suis allé acheter quelque chose. Et il y en a un comme ça, je ne le connais même pas. Il est venu me voir, il me dit, toi tu travailles pour les services de renseignement. Il me dit ça comme ça. J'ai dit, subhanallah. Une fois, j'étais sur un forum, sur Internet, et puis j'en ai vu un, il a écrit tout un post sur moi, et il disait dedans, je vous jure que j'ai vu Suleiman al-Haïti à l'ambassade américaine, il était là-bas avec les je suis jamais allé à l'ambassade américaine de ma vie, même je sais même pas où elle est. Hein? Donc c'est des gens qui ils mentent, hein? Ils inventent n'importe quoi. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit wa ash-shahidu anna hadha al-akh yaqul hadhihi an-nusus allati dhakartumuha lana wallahi ma kunna na'rifuha. قال بالنص والله لو كنا نعرفها لما وقعنا في هذا الفكر وهذا التكفير. Donc il dit le point c'est que ce frère qui est la personne à qui il parlait, il a mentionné les hadiths, il a dit j'ai jamais entendu ces hadiths là. Il dit par Allah je les connaissais même pas. Et donc il a dit si je les aurais connus par Allah, je ne serais jamais tombé dans cette idéologie là et dans le takfir. ولكن كانوا يحذروننا من كلامكم. Il dit, ils nous avertissaient de vos paroles. Hein? C'est-à-dire, ces khawarij, ils nous mettaient en garde vis-à-vis de vos paroles. ويقولون هم مشايخ السلاطين. Et ils nous disaient, ce sont les savants des dirigeants. ويضعون هذه الأحاديث من أجل الحكام. Ils inventent ces hadiths-là pour l'intérêt des dirigeants. وأنا الآن سمعت منكم الأحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم وأشهدكم أني أقول بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hein? Il dit, maintenant j'ai entendu ces hadiths-là de vous et que c'est des hadiths qui sont dans le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam muslim. Et je vous prends comme témoin que je dis ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit. فمشكلة كثير من التكفيريين أو الذين وقعوا في التكفير حتى من شبابنا أنهم لا يعرفون النصوص. Donc le problème de beaucoup de jeunes takfiris, c'est que ceux qui sont tombés dans le takfir parmi nos jeunes, ils ne connaissent même pas les textes, ils connaissent même pas les hadiths. Qu'est-ce que le cheikh il dit? Moi je l'ai vu aussi, ça m'est arrivé avec des jeunes quand je leur ai montré les hadiths au sujet de l'écoute et de l'obéissance des dirigeants musulmans. Hein, et d'être patient vis-à-vis de leurs péchés et de leur désobéissance. Quand je leur ai montré ces hadiths-là, ils disent ah, ça c'est des gens qui ont écrit ces hadiths-là pour faire plaisir aux dirigeants. Mais c'est des hadiths qui sont authentiques dans Al-Bukhari et Muslim. Tu veux dire que l'imam Al-Bukhari et les savants qui étaient avant lui, ils ont inventé ça pour faire plaisir aux dirigeants. Nasallallahu al-afiyah. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, ils craignent pas Allah. Hein? Donc c'est des graves accusations. Et il dit لأن قطاع الطرق قد حالوا بينهم وبين النصوص وأهل الحق. Il dit parce que les gens qui sont des bandits, hein, ils veulent empêcher les gens d'avoir accès au texte. Et c'est ça ce que tu remarques. Moi je l'ai remarqué ça chez les gens, chez les Ikhwan en particulier. Ils leur font jamais entendre certains hadiths qui vont en contradiction avec leur manhaj et leur méthodologie. Donc ils ne vont jamais laisser les jeunes qui sont avec eux écouter ces hadiths-là ou écouter les ulama d'Ahl-Sunnah. Parce qu'ils veulent les empêcher justement de connaître ces réalités-là. Il dit « وَدُعِيتُ مَرَّةً إِلَى مُحَضَرَةٍ فِي مَنْتِقَةٍ مِنْ مَنَاتِقِ الْمَمْلَكَةِ مَنْتِقَةٍ مُحْتَاجَ جِدًّا وَاخْتَرْتُ لِلْمُحَضَرَةِ عُنْوَانًا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ نَعِيمُ الْجَنَّةِ وَطُرُقِ الْوُصُولِ إِلَيْهَا. Il dit, j'ai été invité dans une région du royaume de l'Arabie. Et c'est une région où il y avait un grand besoin de da'wa. Et j'ai choisi un sujet sur lequel tous les musulmans seraient d'accord, les délices du paradis et les moyens d'y arriver. Il dit, فَلَمَّا ذَهَبْتُ إِلَى تِلْكَ الْمَنْتِقَى وَجَدْتُ الْحُضُورُ مِنَ الْكِبَارِ وَلَفَّتْ نَظَرِ هَذَا ما وجدت من الشباب إلا قليلا. Il dit une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai remarqué qu'il n'y avait que des personnes âgées. Il n'y avait pas de jeunes, juste quelques jeunes seulement. Alors ça m'a surpris. Il dit, il y en a... J'ai demandé, فسألت الإخوة فقالوا إن هناك بعض الحركيين قد نظموا للشباب رحلة الليلة بالذات إلى الصحراء وخرجت حافلات من البلد بالشباب لأن لي محاضرة في تلك الليلة محاضرة عن نعيم الجنة وطرق الوصول إليها ولكنهم لا يريدون للشباب أن يسمعوا ويحولون Donc il dit, quand il a posé la question aux frères, comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeunes, ils ont dit, il y a des harakin, des gens de Hizbiya, des gens de Bid'a, qui ont organisé une sortie dans le désert, cette nuit en particulier. Quand ils ont su que le cheikh il allait venir faire une conférence, alors ils ont organisé une sortie pour les jeunes, pour que les jeunes ne puissent pas entendre le cheikh. Allah al-Musta'an. Alors que le sujet, c'est un sujet général. Hein? Le moyen, les délices du paradis et comment y arriver. Mais eux, ils ne veulent pas que les jeunes entendent ça. Donc ils veulent s'interposer entre les jeunes et les textes de la religion. ومن طرقهم في هذا وصم أهل الحق بصفات ينفرون بها هؤلاء ينفرون بها من هؤلاء العلماء والمشايخ ومن عرف بعض الأدلة فإنك لا تجد عنده معرفة بطرق الدلالات فلا يعرف المطلق والمقيد والخاص والعام والعام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص والأمر المطلق والأمر المقيد والنهي المطلق والنهي المقيد والمتأخر والمتقدم والتعارض والجمع والترجيح لا يعرف هذه كلها ولا يعرف كله لا يعرف هذه كلها ولذلك لا يفهم النصوص ويؤدي بهم هذا إلى الغلو في التكفير وسوء الفهم وهذا من قديم. Donc le cheikh il dit que parmi leurs voies c'est de qualifier les savants ou de parler des savants par des caractéristiques ou des descriptions qui fait fuir les jeunes des ulama. Et ceux d'entre les jeunes ou d'entre ces khawarij qui connaissent les textes de la religion, peut-être qu'ils connaissent les textes, mais ils ne connaissent pas les moyens pour comprendre ce que ces textes-là ont comme signification et comme indication. Qu'est-ce qu'ils signifient, qu'est-ce qu'ils contiennent comme règles et comme preuves et qu'est-ce qu'ils prouvent. Et ils ne connaissent pas non plus les règles pour nous aider à comprendre les textes. Et ça, c'est des choses qu'on apprend dans les livres de Usul al-Fiqh. Hein? Et ça s'apprend pas seulement dans les livres, ça s'apprend de la bouche des ulama. Hein? Donc, al-mutlaq wal-muqayyad. Et donc, qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est restreint dans sa signification? Qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est particulier? Hein? Et parfois, il y a quelque chose qui est particulier, qui est général mais qui a un sens particulier, ou qui est particulier mais qui a un sens général. Des fois, c'est un ordre général, un ordre qui est restreint. Une interdiction qui est générale, une interdiction qui est restreinte. Ils ne savent pas comment savoir qu'est-ce qui était révélé en premier, qu'est-ce qui est venu après. Quand il y a des oppositions ou des choses qui se contredisent ou qui s'opposent entre les textes, comment faire le jam, comment les réunir, ou bien comment faire le tarjih, comment déterminer qu'est-ce qui est plus proche de la vérité qu'une autre entre deux positions, qu'est-ce qui est plus proche de la vérité quand il y a des divergences. Donc toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment le faire, alors ils ne comprennent pas les textes. Ça me rappelle une fois, j'ai rencontré un de ces jeunes takfiriyin. Je sortais du métro le soir, puis il m'a vu, il commence à me traiter de kafir, puis il ne voulait pas me lâcher, hein, il me poursuivait dans la rue. Et il n'arrêtait pas de crier, puis il m'a dit, tu sais que selon une opinion des ulama, j'ai le droit de te tuer. C'est comme ça il m'a dit. Et il dit, parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'il m'avait donné comme argument ou quoi. Il dit, j'ai lu dans les livres de fiqh que on a le droit de tuer le murtad, on a le droit de tuer l'apostat, même si c'est comme, même si on n'est pas le dirigeant. Il dit, j'ai lu une opinion qui disait qu'on a le droit de tuer l'apostat, parce qu'il a décrété que je suis un apostat. D'accord. Alors j'ai dit, t'as lu qu'il y avait cette opinion-là dans un livre de fiqh. J'ai dit, c'est quoi le dalil? J'ai dit, c'est quoi la preuve? Et là, il s'est tu. Il ne savait pas quoi dire. Donc c'est pour dire, c'est des jeunes, ils lisent beaucoup, peut-être qu'ils ont beaucoup lu dans différents livres, mais toute leur connaissance, elle est toute mélangée dans leur tête. Ils n'ont pas de fondement et de principe pour distinguer parmi ces positions, parmi les opinions qu'ils entendent, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui est supporté par un dalil, qu'est-ce qui n'est pas supporté par un dalil. Hein? Subhanallah. Et ce jour-là, yani, subhanallah, ce jeune, c'est un Tunisien, un jeune Tunisien, subhanallah, il est vraiment toujours, il a toujours eu des signes comme ça d'extrémisme et d'exagération. Et c'est quelqu'un, yani, il ne voulait jamais assister au cours. Quand il y avait des douros dans la mosquée, lui, il restait dans son coin en train de mémoriser le Coran. Hein? Il reste dans son coin tout seul, il mémorise le Coran. Il pense qu'il a mieux compris que tout le monde. Hein? Et donc c'est pour dire, yani, subhanallah, ces jeunes-là, comme avec leur compréhension complètement déformée de la religion, et ils arrivent à des positions extrêmes comme ça. Donc le cheikh dit ensuite que مثلاً يلدي مثلاً في قوله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الناس يحتج بهذه الآية في تكفير مرتكب الكبيرة على كفر الحكام. Il dit que le cheikh dit qu'il y a des versets, par exemple le verset 81 dans sourate Al-Baqarah, qui mentionne que celui qui a commis un péché, qui a acquis un péché, et qui a été que son péché l'a enveloppé, il a été cerné par son péché, alors celui-là, il fait partie des gens de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ils prennent ce verset, puis là, ils disent, ah, ça c'est la preuve que si tu as fait un péché, tu deviens kafir. Parce que Allah, il dit que tu vas être dans l'enfer éternellement. Il y a d'autres versets comme ça aussi, par exemple, dans surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. » Hein, celui qui désobéit à Allah et à son messager, il aura l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc ils se basent sur ce verset-là. Hein, ils prennent ce verset, ils mettent de côté tous les autres et tous les hadiths, puis ils prennent ce verset seulement, puis il en fait une règle générale, et puis il fait le takfir des musulmans en se basant là-dessus, en disant, si tu désobéis à Allah et son messager, ça veut dire que tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Donc le cheikh, il dit, أهل السنة من فقههم مثلا أنهم يقولون إن النصوص الوعيد تمر كما جاءت وهذا أصل من أصول أهل السنة بمعنى أنك إذا جئت مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار أو لقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا من نصوص الوعيد فإذا جئت تحدث الناس وتذكر لهم الحديث ولا تفسره فلا تقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر ليس المراد به الكفر الذي هو المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر ولا تقول هذا لأنك بهذا قد تهون الأمر في نفس السامع فتذكر النص فقط لأنه أطلق لفظ الكفر وإن كان ليس الكفر الأكبر للتنفير من الفعل وإلا إذا وجدت الفتنة ووجد من يحتج بهذه النصوص على التكفير فهنا أصل أهل السنة والجماعة أن تفسر النصوص تفسر نصوص الوعيد. Donc le cheikh, il explique un principe parmi les principes d'Ahlus Sunnah par rapport à ce genre de verset, ce genre de hadith. c'est des versets et des hadiths qu'on appelle les versets qui sont des versets de la menace. C'est-à-dire, c'est des versets qui sont là pour menacer ceux qui commettent des péchés. Et le but de ces textes ou de ces menaces, c'est de faire en sorte que le musulman, il entende ces menaces-là et il ait peur de tomber dans ces péchés-là. Et donc, les ulama d'Ahl Sunna, parmi leurs fondements, ils disent que s'il y a un texte qui parle des menaces de l'enfer à propos d'un péché ou de quelque chose qu'on fait ou qu'on dit, il ne faut pas l'expliquer. Ils disent, il ne faut pas l'expliquer, tu le cites, tu le mentionnes tel quel. Comme ils donnent un exemple, si un homme, par exemple, il prétend que son père est autre que son vrai père, il a commis un acte de mécréance. Qad kafar. Illa kafar. Et celui qui prétend appartenir à des gens, ou non, qui accuse des gens, il dit à leur sujet qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas, alors qu'il prépare sa place en enfer. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit d'insulter le musulman, c'est une perversité. Et de le combattre ou de le tuer, c'est du kufr. De le tuer, c'est du kufr. Ça fait partie des textes de la menace. Donc, les ulama, ils disent, si tu mentionnes ce hadith-là, ne l'explique pas. Juste mentionne-le. Parce que quand les gens, ils vont l'entendre, ils vont voir la gravité du péché. Et ils vont savoir qu'il ne faut pas le faire. Parce que si c'est kufr, c'est grave. Hein? Et ça, c'est la règle générale. Même si on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que de le combattre, c'est du kufr, ça ne veut pas dire le kufr qui fait sortir de l'islam. C'est le kufr mineur, pas le kufr majeur. Hein? C'est un kufr moindre que le kufr. Hein? Un kufr d'un kufr. Mais les ulama disent, dis pas ça aux gens. Quand tu leur parles de façon générale, si tu leur cites ce hadith, tu leur dis pas, c'est pas le kufr majeur, c'est le kufr mineur, c'est le kufr d'un kufr. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont pas voir la gravité, ils vont commencer à dire, hein, oh ben dans ce cas-là c'est moins grave que ça, donc c'est pas si pire, hein, a'udhu billah. Donc le cheikh dit toutefois, si tu es dans une situation de fitna où des gens commencent à utiliser ce genre de texte pour faire le takfir des musulmans, alors dans ce cas-là tu clarifies la signification et tu expliques que ces versets-là font partie des textes de la menace et donc pour repousser la fitna et pour éviter que des gens se basent là-dessus pour faire le takfir, eh bien là tu clarifies. Parce que peut-être que les hadiths, Ahl Sunnah ou le Jama'a, quand ils trouvent un verset ou un texte qui est équivoque, ils le ramènent à un texte qui est clair pour l'expliquer et pour le comprendre. Ils ne prennent pas un texte tout seul et disons indépendamment des autres pour le comprendre. Donc le hadith qui dit wa qitaluhu kufr, de le tuer c'est du kufr. Si tu regardes ça comme ça, tu dis, ah ben dans ce cas-là, si quelqu'un il commet un meurtre, un musulman il tue un autre musulman, il devient mécréant. Hein? Il y en a qui ont dit, bon, un dirigeant par exemple, il a fait tuer quelqu'un, ou il a tué des manifestants, ou des choses comme ça, donc il a commis du kufr, donc il est kafir, des choses comme ça. Il y a des gens qui ont fait cette explication, qui ont dit cette parole-là. Toutefois, quand tu regardes dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux transgresse par la suite, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Puis, s'il revienne par la suite, alors réconciliez entre eux en toute justice et soyez justes, car Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Donc Allah il dit dans le verset que deux groupes de croyants peuvent se combattre et que malgré tout c'est des frères, ce ne sont pas des koufars. Malgré le hadith. Donc c'est pour ça que les ulama, pour comprendre les textes, ils ramènent un hadith avec un verset avec l'autre, un hadith avec l'autre, pour les comprendre comme il faut de façon globale. Donc ça veut dire que ce kufr là, c'est un kufr mineur, pas un kufr majeur, et ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est une menace. Hein? Donc les gens qui ne connaissent pas ça et qui ne comprennent pas ça, ils vont prendre le texte tel quel et puis ils vont faire le takfir des musulmans en se basant là-dessus. Hein? لأن الكفر في النصوص قد يطلق ويراد كفر دون كفر أو قد يطلق ويراد الكفر المخرج من الملة والذي يدل على ذلك طرق الدلالات. Donc c'est possible qu'un texte qui mentionne le kufr, ça peut vouloir dire le kufr mineur, ça peut vouloir dire le kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce qui indique que c'est l'un ou l'autre? Hein? C'est les moyens par lesquels on comprend les textes par les règles et les principes qui nous aident à déterminer la signification des textes et comment les réunir ensemble. Hein? Et les gens de Ahlus Sunnah, ils ont une méthodologie très précise et claire à ce sujet-là. Hein? Ce n'est pas l'improvisation. Hein? Ils suivent une voie claire sur ce sujet-là. Et les gens de Bid'ah, eux, ils ont leur façon. Mais malheureusement, ça les amène toujours à tomber dans l'extrémisme. Le Cheikh dit « Wa nasu fi hadhihi an-nusus » التي جاء فيها الحكم بالكفر والخلود بالنار طرفان ووسط طرف نظروا إلى الوعيد وحكموا بكفر من يفعل هذه الأفعال وطرف أهمل النظر إلى الوعيد ونظر إلى الوعد. Donc il y a deux groupes qui ont dévié au sujet de ce genre de texte. Il y en a qui ont regardé à la menace, hein, seulement, et ils ont déclaré kafir celui qui le fait. Et l'autre qui ont regardé uniquement al-wa'd, la promesse de la miséricorde d'Allah et du pardon. Et ils ont mis de côté la menace. Et ça, c'est les murdia. Et ils ont dit, si tu fais un péché, ça ne va pas affecter ta foi. Parce que les actions font pas partie les actions ne font pas partie de la foi. Donc, peu importe le péché que tu fais, c'est pas grave. Ta foi est toujours complète et entière. Et le groupe d'Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, c'est ceux qui sont dans le juste milieu et qui ont réuni entre ces deux choses. Ils ont réuni entre la menace et la promesse de miséricorde et avec la compréhension saine des textes. إذن إذا أخطر الأمور إن من أخطر الأمور أن يقرأ الإنسان النصوص بنفسه ويفهمها بنفسه. Donc il dit une des choses les plus dangereuses en réalité, c'est que quelqu'un il lise les textes par lui-même pour essayer de les comprendre par lui-même. ويترتب عليها الأحكام بنفسه يرتب عليها الأحكام بنفسه. Il essaie de comprendre les règles par lui-même. Il risque de tomber dans l'erreur. وهو ليس أهلا. Il n'est pas apte à le faire. ولا يعرف أصول الدلالات. Il ne connaît pas les fondements des preuves. Donc c'est ça le danger. ومن تقحم هذا الباب بدون أن يعرف أصول الدلالات وبدون أن يرجع إلى كلام أهل العلم يقع في الاعتداء في التكفير. Dit celui qui rentre dans ce domaine sans avoir compris, sans connaître les fondements des preuves et sans revenir à la parole des ulama, il va tomber dans la transgression et dans le takfir. Le cheikh il dit également un autre principe important. التفريق بين وصف الشيء بكونه كفرا ووصف الفاعل بكونه كافرا. Ça aussi c'est très important. Le cheikh il dit la distinction qu'on doit faire entre le fait de dire d'une chose qu'elle est kufr et la description de celui qui fait l'acte et de dire qu'il est kafir. Ça c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que tu peux dire d'une action que cette action-là c'est kufr. Donc tu vas dire par exemple quel exemple je pourrais donner, rendre halal qu'est-ce qui est haram, c'est kufr. Rendre halal ce qui est haram, c'est kufr. D'accord? Si un musulman il rend halal, déclare halal ce qui est haram dans l'islam, ça c'est kufr. Maintenant, tu rencontres un musulman, tu lui parles, puis il te dit que quelque chose est halal, alors que c'est connu dans l'islam que ça, c'est haram. Comme par exemple, il dit, oui, l'alcool, c'est haram. L'alcool, oui, c'est halal. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il est kafir? Bon, le cheikh il va donner des exemples. Il dit: ومن الأمور التي يجب أن يعرفها المسلم أن هناك فرقا بين وصف الشيء بكونه كفرا وبين وصف الفاعل بكونه كافرا. وقد يوصف الشيء بكونه كفرا بل قد يطلق لفظ الكافر ولكن الفاعل بعينه لا يوصف بكونه كافرا. Donc le cheikh il dit qu'il y a des choses qui, hein, parmi les choses que c'est obligatoire de connaître, que le musulman doit savoir, c'est qu'il y a une distinction entre le fait de décrire quelque chose comme étant kufr, hein, et le fait de dire d'une personne qu'il est kafir. Et même que parfois on peut dire d'une chose, hein, on peut décrire quelque chose du fait que c'est un kufr, et on peut même dire par exemple le terme kafir. Celui qui fait telle chose est kafir, de façon générale. Celui qui commet telle action, il est kafir. Comme par exemple, celui qui rend l'alcool halal, il est kafir, par exemple. Mais la personne, l'individu en particulier, et l'individu lui-même qui fait cet acte-là, il n'est pas nécessairement kafir. D'accord ? Le cheikh va donner un exemple. Il dit: ونضرب مثالا على ذلك من كلام العلماء مما يحتج به بعض التكفيريين ويروجونه على الناس. كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من حكم القوانين الوضعية فهو كافر، ويقولون كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهم في هذا لا يفرقون بين وصف الشيء بكونه كفرا أو الوصف العام بالقول بأنه كافر وبين وصف المعين بالكفر. ولذلك الشيخ ابن عثيمين نفسه قال: وعندما نقول أنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به، كأن يقول إن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة، أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. Donc l'exemple que le cheikh il donne ici, c'est un bon exemple. Il dit que il y en a qui prennent des paroles des ulama, ok, puis ils les utilisent comme preuve parmi les gens de takfir, les khawarij. Ils vont se baser sur une parole des ulama ou quelques paroles des ulama, mais c'est des paroles qui contiennent des règles générales, hein? Comme par exemple une parole de Cheikh Ibn Uthaymeen dans laquelle il a dit: celui qui juge, hein, selon les règles ou les lois inventées par l'homme, il est kafir. Celui qui juge selon les lois inventées par l'homme, il est kafir. Et ils disent ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, d'accord? Donc quand ils vont voir n'importe quelle personne qui juge selon une loi faite par l'homme, ils le considèrent kafir. Ils disent: ah, lui il est kafir. Et le cheikh il dit, eux ils ne font pas la distinction entre la description d'une chose et de dire qu'elle est kafir, ou que de façon générale celui qui fait cet acte est kafir, et entre le fait de décrire un individu en particulier qui fait cet acte-là comme étant mécréant lui. Ça c'est deux choses différentes, hein? Parce qu'il peut y avoir chez cet individu-là des excuses ou des causes qui font que le verdict ne s'applique pas sur lui. Hein? Donc le cheikh il donne un exemple. C'est comme, ça me fait un peu penser à des gens par exemple qui vont, quand ils ont une maladie ou quelque chose, ils vont sur Google, hein? Puis là ils écrivent les symptômes sur la barre de recherche, ils écrivent, hein? Par exemple ils vont dire douleur dans le bas du dos, ils écrivent ça dans le Google, et là il y a toute une liste de sites qui apparaît avec des symptômes, et là tu cliques sur un truc puis ça te dit: ah, peut-être que vous avez un cancer, peut-être que vous avez ça, peut-être. Là tu vas commencer à lire les symptômes qui sont décrits, puis là on va te dire ça peut être causé par ça, ça peut être causé par ça, puis lui il fait son propre diagnostic. Puis il dit: ah, je pense que j'ai un cancer dans mon dos. Hein? C'est des gens comme ça. Ils pensent que de connaître le symptôme, puis de connaître quelques descriptions, qu'est-ce que les docteurs ont dit, ça veut dire que là, il a compris comment appliquer hein, la règle sur lui-même de savoir qu'est-ce qu'il a réellement. Non, c'est pas comme ça. Le docteur, il va voir si ça s'applique vraiment. Il va te faire passer des tests de sang, il va te faire des radiographies, il va te faire des vérifications pour voir si c'est, qu'est-ce que c'est exactement. Puis après, il va donner le diagnostic, puis il va te donner des remèdes. Donc ça, c'est un exemple. Donc, le cheikh, il dit, hein, le cheikh lui-même, le cheikh Ibn Uthaymin, il clarifie sa parole. Il dit, lorsque nous on dit que celui qui fait telle chose, il est kafir, on veut dire par cela que cette action-là peut l'amener au kufr. Mais peut-être que celui qui a fait cette règle ou cette loi, hein, qui a fabriqué ou inventé cette loi, peut-être que lui-même il est excusé. Par exemple, un dirigeant, il invente une loi dans son pays, il fait une loi pour telle affaire. Là, quelqu'un qui a pris la parole générale de Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, ah, ce dirigeant-là, il a fait une loi, donc il est kafir. Le Cheikh, il dit, peut-être que celui-là, il est excusé. Pourquoi? Par exemple, il a été trompé. Comment il a été trompé? Il s'est référé à quelqu'un, il a demandé à un Cheikh, ou à un imam, ou quelqu'un qu'il considère comme une référence dans la religion, et il lui a dit, est-ce que j'ai le droit de faire telle loi? Puis celui-là, étant donné que peut-être il a un manque de science, ou peut-être qu'il a une compréhension erronée de la religion, hein, il lui dit, oui, il n'y a pas de problème, ça, tu as le droit de le faire. Hein, ça fait partie des intérêts généraux, ça fait partie de ce que Allah nous a laissé juger dans les affaires de la dunya, ça ne contredit pas l'islam, donc tu as le droit de le faire. Donc lui, il s'est basé là-dessus, puis il a dit, ok, dans ce cas-là, j'ai le droit, il l'a fait. Tu vas le déclarer kafir à cause de ça? Hein? Il n'a pas fait dans l'intention de contredire l'islam. Il s'est référé à quelqu'un à qui il a confiance dans la religion, et cette personne-là l'a induit en erreur, et lui a dit que c'était correct. Donc comment tu peux le déclarer kafir toi par la suite? C'est pas comme ça. Hein? Donc, le cheikh, il dit, « فَالشَّيْخِ ابْنُ عُثَيْمِينَ عَنْدَمَا قَالَ من يحكم القوانين الوضعية فهو كافر يعني الوصف العام ليس الوصف المعين. Donc quand le cheikh Ibn Uthaymin a dit celui qui fait des règles ou des lois ou qui juge par des lois faites par l'homme, il est kafir, il dit ça c'est la description générale, la règle générale, pas la personne en particulier ou l'individu hein, qui a fait cet acte-là, tu ne peux pas l'appliquer directement sur la personne. فيجب أن يعلم المسلم أن هناك فرقا بين وصف الشيء بكونه كفرا وبين وصف المعين بكونه كافرا. Donc il faut que le musulman sache que hein, c'est obligatoire pour le musulman de savoir que il y a une différence entre la description d'une chose comme étant kufr et la description d'un individu en particulier comme étant un kafir lui-même. C'est deux choses différentes. C'est comme par exemple tu vas mentionner quelque chose à propos de d'un individu. Hein? Tu vas dire, par exemple, un tel, hein, un tel imam ou tel cheikh ou tel prédicateur, il a dit telle parole. Et cette parole, c'est une parole de kufr. Alors, ils s'en vont et ils disent, ah, lui, il a fait le takfir de cette personne. Non, j'ai pas fait son takfir. J'ai seulement mentionné qu'il a dit cette parole-là et que cette parole-là est une parole de kufr. Ça ne veut pas dire que je déconsidère ou que j'ai jugé que lui, il est kafir. C'est deux choses différentes. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit, وَقَدْ يُوصَفُ الشَّيْءُ وَقَدْ يُوصَفُ الشَّيْءُ بِكَوْنِهِ كُفْرًا بِالِاتِّفَاقِ لَكِنْ فَاعِلَهُ الْمُعَيَّنُ لَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ كَافِرًا. Il dit, c'est possible qu'on dise d'une chose que, selon l'accord de tous les savants, le consensus de tous les savants, cette chose-là est kufr. Mais que la personne qui le fait, elle-même, ne soit pas kafir. Hein? Et on ne dise pas d'elle qu'elle est kafir. وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهِ كَافِرًا. On ne va pas juger d'elle qu'elle est kafir. إِمَّا لِعَدَمِ اجْتِمَعِ الشُّرُوطِ أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ. Soit parce que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir le déclarer mécréant, et ou bien parce qu'il y a un empêchement, quelque chose qui nous empêche de le déclarer kafir. وَأَضْرِبُ لِهَذَا مِثَالًا. Et ça c'est une chose que j'aime beaucoup de Cheikh Sulaiman al-Ruhayli, c'est qu'il donne toujours des bons exemples pour illustrer les principes et les règles. Et moi je considère que ça c'est une des choses les plus importantes pour que le alim il soit capable de faire comprendre aux musulmans quelque chose. Parce que les musulmans, les gens en général, ils apprennent beaucoup mieux et ils comprennent beaucoup mieux une règle quand elle est illustrée de façon claire avec des exemples clairs. Et donc ça c'est une bonne méthode, une bonne méthodologie de la part du cheikh de toujours ramener des exemples et de faire comprendre par l'illustration. Donc il dit le cheikh, « وَأَضْرِبُ لِهَذَا مِثَالًا لَوْ أَنَّ إِنسَانًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَذَا الْقَوْلُ كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. » Il dit, je vous donne un exemple. Si un homme disait, « Allah, il n'est pas capable de me ressusciter au jour de la résurrection. » Ça, c'est une parole de kufr. Selon tous les musulmans. Tous les musulmans sont d'accord que ça, c'est kufr. من أنكر قدرة الله على البعث فهذا كفر باتفاق المسلمين. Celui qui renie la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance de ressusciter les hommes au jour de la résurrection, ça c'est du kufr selon tous les savants de l'islam. ولكن جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه أي من الأمم السابقة فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذرؤوني في الريح في البحر أي احرقوني ثم الذي يبقى مني بعد الحرق اسحقوه ثم ذروه في وقت الريح عاصف في البحر في ريح عاصف في البحر. ما الهدف من هذا؟ قال فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به احدا. Donc ici le cheikh il donne un exemple. Il y a un hadith par exemple qui est rapporté par Abu Huraira, selon Abu Huraira radiallahu anhu. C'est un hadith qui est dans Al-Bukhari et Muslim. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un homme qui a, il a fait beaucoup de mal, dépassé les limites, il a fait du tort à lui-même, parmi les peuples qui nous ont précédés. Et lorsque la mort est arrivée à lui, il a enjoint à ses enfants de brûler son corps et de répandre ses cendres sur la terre et dans la mer, lorsqu'il y a du vent, de faire que ces cendres soient répandues par le vent. Et il dit, pour quelle raison il a fait ça? Parce qu'il a dit, par Allah, si Allah, il me prend au jour de la résurrection, s'il me prend, il va me châtier d'une façon qu'il ne châtiera jamais personne d'autre. Donc il pense qu'en faisant ça, il va être capable d'éviter le châtiment d'Allah. Donc il dit, يظن هذا الرجل في هذه الوصية أنه إذا فعل هذا إذا فعل به هذا فلن يقدر الله على بعثه يوم القيامة. Il pense qu'en faisant ça, Allah ne sera pas capable de le ressusciter au jour de la résurrection. قالوا ففعلوا ذلك به. فقال للأرض ائدي ما أخذتي فإذا هو قائم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, les enfants ont fait qu'est-ce que le père a demandé. Au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à la terre de redonner ce qu'elle a pris de cet homme, de ses cendres. Et le revoilà debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a recréé comme il était. فقال له ما حملك على ما صنعت. Il lui demande, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu as fait? قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. Il a dit, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Il a dit, j'ai eu peur de toi, ô mon Seigneur. Hein? Alors Allah lui a pardonné cela. Hein? يعني هذا الرجل ظن ما هو كفر وأمرهم بهذا الفعل ظنا منه أن الله لن يقدر عليه ومع ذلك لما لقي الله عز وجل وتعلل لربه بأن الذي دفعه إلى هذا هو خشية الله غفر الله له. Donc on voit ici que l'homme en question, il a fait ce qui est kofr. Hein? Et cet homme, il a eu comme pensée en lui-même à propos d'Allah, une pensée qui est kufr, que Allah n'était pas capable de le ressusciter. Mais malgré cela, lorsqu'il a rencontré Allah, il a expliqué qu'il avait fait ça par la crainte d'Allah et Allah lui a pardonné. قال العلماء لو كان كافرا لما غفر له. Les ulama ont dit, s'il était devenu kafir à cause de ça, Allah ne lui aurait pas pardonné. Hein? Parce que Allah ne pardonne pas à un kafir. فهذا الرجل قد قال الكفر وظن الكفر لكنه لم يكفر. Donc cette personne, il a pensé, hein? Il a dit le kufr, il a pensé le kufr, mais il n'a pas mécru, il n'a pas commis le kufr réellement. La preuve, Allah lui a pardonné. بدليل أن الله غفر له. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين ولكن كان جاهلا ولا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. Donc le cheikh, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, il dit que cet homme a eu un doute au sujet de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans la capacité d'Allah de le faire revenir lorsqu'il est devenu de la poussière. Et il a pensé, même il a cru qu'il n'allait pas être ramené. Et ça, c'est un kufr, selon tous les savants musulmans. Mais il était ignorant. Il ne savait pas cela. Hein? Il était croyant, il craignait Allah, que Allah le châtie. Et c'est pour cela que Allah lui a pardonné. C'est à cause donc de son ignorance qu'il a été excusé. ثم قال والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة من ذلك من مثل هذا. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit, et la personne qui a commis une erreur d'interprétation parmi les gens de l'ijtihad, parmi les savants qui ont fait des erreurs dans leur jugement, et qui avait un désir ardent, et qui avait fait beaucoup d'efforts pour chercher à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se sont trompés, mérite plus le pardon que cet exemple-là, que cet homme-là.